Bonsoir, chers auditeurs de Plus que Minimal. Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge. Nous voilà de retour pour commencer une nouvelle saison radiophonique où il y aura beaucoup de nouveautés, comme par exemple un sujet commun dans les quatre langues. Bureau occidental bouleverse des millions de destins. Et en ce qui concerne le français, vous ferez la connaissance des midinettes. Vous comprenez ce mot ? Non. Alors une midinette, c'est une fille qui est simple, naïve et frivole. Personne de notre côté du monde. Quand le... Au programme de ce soir, Noël oblige, nos midinettes sont en train de préparer le réveillon. Écoutez-les. Bon ben vas-y, enroule là. T'as le briquet ? Oui, il est là. Bon, vas-y, verse l'alcool dessus. Ok, attention, j'allume. Fais gaffe, tu vas tout cramer. Oh, ça brûle. Va chercher l'extincteur. Oh, punaise, on a eu chaud. Eh ben, moi, l'année prochaine, je fête Noël à l'espagnol. Hein. Au lieu de flamber la bûche de Noël, je préfère brûler ma culotte. Voici la recette de la bûche de Noël, s'il vous vient à la bûche. Recette de la bûche de Noël, niveau A1. Recette facile. Ingrédients pour 4 personnes. 4 œufs. 1 verre de sucre en poudre. 1 verre de farine. 1 sachet de levure alsacienne. Si vous n'en trouvez pas, achetez le sachet de levure chez votre boulanger. 250 g de chocolat. 200 g de beurre. Préparation. Battre les 4 jaunes d'œufs avec 1 verre de sucre en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède pour faire mousser. Ajoutez peu à peu 1 verre de farine et 1 sachet de levure alsacienne. Quand c'est bien mélangé, incorporez délicatement les 4 blancs d'œufs montés à neige ferme. Dans un moule long et plat, genre plaque à pizza, étendre la pâte sur 1 cm d'épaisseur et faire cuire au four chaud. Détachez et posez le gâteau sur une serviette humide. Roulez et laissez refroidir un peu. Brisez le chocolat et le faire fondre au bain-marie. Ajoutez le beurre mou. Étendre le mélange sur toute la surface et roulez le gâteau sur lui-même. Mettre le reste du mélange beurre-chocolat sur le dessus. Faire des dessins dessus avec une fourchette et mettre au frigo pour refroidir. Avant de servir, la décorer de motifs de Noël, un petit sapin, une maison en chocolat, un Père Noël, etc. Bon appétit. Noël est à la une de l'actualité, mais il y a aussi d'autres sujets sur le vif. Des élèves de 10e année vous en parlent. Puisque le froid va s'accentuer dans les prochains jours, les associations et les municipalités se préparent pour renforcer leurs dispositifs d'aide aux sans-abri. La Fédération internationale des professeurs de français fête ses 40 ans cette année. 40 années au service de l'enseignement du français. 40 années à fédérer quelque 80 000 professeurs de français dans 130 pays. La FIPF est connue pour organiser des congrès et soutenir certaines associations. Mais il y a également d'autres actions que l'on connaît moins, comme le soutien qu'elle apporte à certains projets de terrain. Désormais, grâce à un laboratoire mobile d'analyse criminelle, la gendarmerie pourra découvrir les conducteurs qui roulent avec un faux permis de conduire ou carte grise falsifiée. Débat sur l'identité nationale. Eric Besson, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, a ouvert les derniers mois un grand débat sur l'identité nationale française. Ce débat constitue l'un des engagements souscrits par le président de la République, M. Sarkozy, lors de sa campagne présidentielle. Ce débat s'inscrit dans une planète de plus en plus mondialisée où certains peuvent ressentir que leur patrie serait en péril du fait de l'expansion d'éléments culturels étrangers dans les pays. Les collectifs d'immigrés ont exposé leur inquiétude en alléguant que, sous prétexte de favoriser la construction d'une vision plus claire sur ce qu'est l'identité nationale aujourd'hui, le débat peut aussi faire émerger désormais les fantômes de la xénophobie. En raison de la grève concernant les cheminots, il y aura une réunion entre les syndicats et la direction de la RATP sur les conditions de travail des employés. Un morceau de l'escalier hélicoïdal de la Tour Eiffel a été adjugé 85 000 euros, 500 000 euros avec frais, lundi à Paris, lors d'une vente aux enchères organisée à Drouot-Richelieu par la maison Christophe Lucien. Pièce phare de la vente, ce tronçon de l'escalier d'une hauteur de 6 mètres et comprenant 40 marches était estimé de 60 000 à 80 000 euros. Quelques 350 objets parisiens, tableaux, bibelots et mobilier urbain ont été dispersés au cours de cette vente intitulée Paris mon amour, qui a connu quelques records. Le fils de Johnny Hallyday a assuré que son père est hors de danger, étant donné que les dernières nouvelles apportées par l'équipe médicale qui le soigne sont rassurantes. Pour terminer l'année en beauté, Julie, assistante de français au lycée Universidad Laboral, vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2010. Mais en plus, comme cadeau, elle vous racontera son expérience à Albacete. Quels sont tes vœux pour 2010? Mes vœux pour 2010, c'est continuer à être en bonne santé et que ma famille le soit aussi. Et essayer de réussir mon concours pour être prof d'espagnol en France. As-tu toujours habité à Marseille? J'habite dans une petite ville à une cinquantaine de kilomètres de Marseille qui s'appelle Pertuis. Et oui, je suis née là-bas et j'ai toujours habité jusqu'à aujourd'hui. Depuis combien de temps habites-tu ici? Depuis octobre de cette année. Pourquoi as-tu décidé de venir à Albacete? En fait, j'ai présenté une demande pour être auxiliaire de langue en Espagne. Et on n'a pas eu le choix de la région, donc Albacete m'a été attribué. J'ai pas choisi de venir ici. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays ou de ta famille? Ce qui me manque le plus, c'est ma famille et mes amis. Mais après, du pays précisément ou de la ville, pas grand-chose. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus lors de ton arrivée en Espagne? Ce qui est le plus étonnant, c'est d'abord les horaires. La journée, j'ai l'impression, commence beaucoup plus tard. Par exemple, en France, à 7h30 le matin, les rues sont déjà pleines, alors qu'ici, j'ai l'impression que non. Il y a El Fitting aussi beaucoup plus tard. Les rues sont pleines à 9 ou 10 heures les soirs de semaine, alors qu'en France, ce n'est pas le cas. À 7h par exemple, tout le monde est... Les heures des repas aussi sont complètement différentes, puisque nous on mange à midi et après on mange vers 19h, 20h, donc ça fait une grande différence. Et une chose aussi qui m'a étonnée, c'est qu'à la pause déjeuner, donc les rues sont vides. Alors qu'en France, les gens achètent, mangent souvent dans la rue, achètent leur sandwich et se posent sur un banc ou dans un parc pour manger. Une chose aussi, c'est que les gens parlent quand même beaucoup plus fort, dans les lieux publics surtout. Et bon, ça, c'est quelque chose vraiment qui, par exemple, dans le bus, où ça saute vraiment à l'oreille. Et, mais bon, en contrepartie, ils sont beaucoup plus chaleureux et ils parlent plus facilement avec nous, ils rendent service, ils n'hésitent pas à nous accompagner quand on est perdu, des choses comme ça. Y a-t-il des coutumes étranges pour une Française? Par exemple, le fait que la plupart des jeunes universitaires espagnols ne travaillent pas et continuent d'habiter chez leurs parents jusqu'à l'âge de 35 ans. Ou le fait que les grands-parents s'occupent de leurs petits-enfants parce que les parents travaillent toute la journée. Ben, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ici en Espagne, la proximité avec la famille est plus importante. En France, par exemple, on ne voit pas des familles entières sortir dans les rues avec les petits-enfants, les parents, les grands-parents. C'est plutôt chacun de son côté. Et j'ai l'impression aussi que en France, les étudiants travaillent plus qu'ici et qu'ils partent plus rapidement de chez leurs parents. Et qui partent aussi plus volontiers. Disons que même s'ils étudient à 30 km de chez eux, il y en a certains vont prendre un appartement. Et j'ai l'impression aussi que ici, la colocation est quelque chose de très répandu, alors qu'en France, elle est plus que pour le milieu étudiant. Des adultes qui ont un travail, pour très peu du moins, vont se mettre en colocation et y rester 5, 6, 7 ans. Alors que j'ai entendu que certains Espagnols le faisaient. Et il y a quelque chose aussi qui est étonnant vu de France, c'est la sieste l'après-midi. Parce qu'en France, c'est plutôt mal vu de faire la sieste. Donc, une chose aussi qui m'étonne beaucoup, c'est la fermeture des magasins du centre-ville le samedi après-midi. En France, c'est le jour où les magasins font leur maximum de chiffre d'affaires, donc c'est pas le jour où ils ferment. Et une chose aussi qui est assez étonnante, c'est beaucoup de familles ont des maisons al campo. Et bon, en France, si pas beaucoup de monde a une maison secondaire, et ceux qui en ont une, elle sera plutôt à la mer ou à la montagne, mais pas à 30 km de là où on habite. Alors Sylvie, nous te remercions de ce beau moment que nous avons pu passer en ta compagnie. Et pour finir notre émission de ce soir avec un peu de musique, étant donné que nous avons eu la chance de pouvoir compter sur toi, on voudrait te demander de nous proposer une belle chanson à écouter. Peut-être ta chanson préférée. Disons que j'ai pas vraiment de chanson préférée. C'est pas une chanson très actuelle, c'est une chanson donc des années 80. Mais c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais petite. Et il est sorti une reprise il y a 3-4 ans. Et donc voilà, j'aime bien cette chanson. Elle raconte l'histoire d'une femme enceinte qui meurt pendant son accouchement. Et bon, c'est pas très drôle. Mais je trouve que c'est une jolie histoire. Et ça, c'est donc le père qui parle et qui raconte comment il survit à cette tragédie. Je trouve que c'est une jolie chanson. C'était le mois de février, ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait, on voulait l'appeler Jason. Ce matin-là, il faisait froid, j'avais rendez-vous au studio. Et tout en soufflant sur mes doigts, je disais le petit sera un verso. Avoir un seul enfant de toi, grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Qu'il est ton sourire, ton regard, quand tu te lèves le matin, avec l'amour et tout l'espoir que